J'aime pas les keufs, leur sévier, leur bluff. 23 ans plein de talent, je marche dans le rap, les bras ballants, je pose. Elle a grosse dose, entre toi et moi y'a litige. Moi je vends mes barrettes et toi tu me donnes des tiges. Toi t'es payé à me faire chier, moi je suis payé à galérer. Bac bleu gardien de la paix, je n'aurai jamais votre côté, je rappe. La vérité le majeur bien levé. T'as l'air bug, t'as plaqué ton tarpé. Moi je dis simplement, allez vous faire enculer. J'ai la haine depuis longtemps, je vous ai vu débarquer armé cagoulé. Pour chambouler la part d'un de mes gadiers, j'ai grandi oppressé à cause de vos multiples contrôles d'identité. Et ouais gros j'ai la rage, mettre mes virages en dérapage. J'ai marché une fois armé, j'étais déter, je vous aurais vu, j'aurais tiré. Trop dégoûté quand un de mes potes il est tombé. Moi petit j'ai jamais rêvé d'être qui se dé. Tu fais le beau quartier armé, prête-moi ton gun, tu vas voler. J'ai une grosse envie de faire feu sur l'homme en uniforme bleu blanc. Comme tous ces bâtards baissant Starco en tête du gouvernement. Rouge sans le résultat quand ils tirent sur nos enfants. J't'ai mis se couper les poings serrés. Avec une grosse pensée à tous mes potes incarcérés. Uniforme bleu, bleu, quand on nique ta mère. Bleu comme quand tu m'as vu m'enfuir par derrière. C'est parti, un regard pour le chat et la souris. C'est parti, regard pour une grande partie des liens. Vas-y, cours, cours, petit uniforme. Vas-y, cours, cours, mon petit bonhomme. Mais tu restes derrière avec ton gros lard, t'es tout vénère. Et donc, tu t'arrêtes au bar, tu pues de la gueule, putain. Tu sens l'alcool, tu pues du cerveau, putain. Mais retourne à l'école et toi pétasse, t'as besoin de me prouver que t'as des coups. Tu sais manier les armes, bien main nue. Garder la forme, ça fera plaisir à vos bonnes. L'uniforme, c'est un choix délibéré, quoi qu'on en dise. Une vive opposition à nos casquettes ailées. Va te faire enculer, toi et toutes tes brigades. Surtout depuis que Sarko t'a donné du grade à menacer de nous censurer. Ou tu nous fais rigoler un ou deux ans de zonzon pour une incitation anti-condé, mais anti-schmitt. Car anti-con, connard, dans lutte à vue, on risque même de passer à la barre. Moi, je soutiens nos sans-artistes, attaqués par gros Didier, choqués par des propos criant de vérité. Et puis faut la baiser jusqu'à l'épuiser pour qu'elle puisse nous aimer. Les gars, vous avez raison, on va falloir la violenter. En fait, t'as peur quand ça se vend, parce qu'en banlieue, maintenant il en faut peu pour mettre le feu. Un 4 képi, un haut d'outrage, un U d'uniforme. Et regarde un peu comme on nos neurones ont la forme. Essaie un peu de me voir, regarde à vous sous le drapeau. Ça ferait des ordres, ouais, je pourrais taguer le poteau. Stopper pour un excès de vitesse, c'est abusé. Fais le tour de la gauche, ça sur des pneus à peine usés. Mais ce qu'ils savent pas, c'est dans le standard, y'a un gros pète en train de fumer. Comme si on était pas assez pressé. 30 minutes c'est le temps qu'il a mis à rédiger. Deux amendes, deux points, le week-end a bien débuté. Y'aurait que moi, même pas je me serais arrêté. Ferme les yeux, pieds au plancher, boum, blind cuff en train de voler. Je me dis que, heureusement que je suis pas armé. Sinon beaucoup de schmitt dans mon jardin seraient enterrés, trop de rage. Et ouais j'ai déjà fait mes ordres cadavres, qu'est-ce que tu pénaves. Tu m'aimes pas parce que rien qu'à mes yeux tu vois que je bédave, rat de taille. Rien qu'à ta gueule moi je vois que t'es taille. Sale bleu foncé au rouge pédé. Moi je suis blanc toujours au peuple pour te rentrer dedans. Je baisse ta femme, le goût de ma cuelle t'en réclame. J'aime pas les decks, les teurs inspect. Je m'en cache pas et je reste honnête. J'ai déjà vendu des savonnettes, fais gaffe mec, je te mitraille de mes poulettes. Wesh. 23 piges au crâne rasé. Les gens me regardent différemment depuis que j'ai mes propres idées. Je crois que d'un calibre je vais m'armer. Shooter une caisse bleue sans intérêt. Dégaine ta plaque, enculé, autorisé à être armé. Ça vous a bien avantagé. Moi j'ai trop de rage à encaisser ta race. Un jour ça va sauter. Impossible de me calmer, impossible de me retravailler. Dans ma tête j'y vais au taquet. Pas moins de rétrogradé. Lâcherai rien même devant un keuf gradé qui me regarde avec sa gueule d'enculé. C'est quoi, c'est bon, je m'arrache, tu m'as saoulé. Fais du sport pour me rattraper, c'est mort, j'ai pensé. Avec ma paire de Nike Shox. Sur ton cul j'ai empiété, vas-y je bombarde, j'ai fini mon couplet. Assassin de la justice, nique la police. Ça fait chier de le dire mais on devient parano. À force d'être sur nos dos dehors on roule moins de véto. Moins libre encore qu'à l'époque du préau. On roulait des putains de soules en scred sous les manteaux. Tu fais pas mouiller les meufs, t'es trop moche. Tu peux pas fouiller les meufs, pourtant j'en ai plein les poches. Tu cherches des dossiers et t'appelles la centrale des tours refiés. Mais tu fais chier, putain il caille, baisse ta torche. J'ai les yeux tout dépouillés, t'es tout moche. En plus on voit ta tête de trop près. Recule, recule ou on te stimule. Recule, recule ou on te stipule. T'es droite, c'est le truc, t'essaies de nous dire à chaque fois que t'énumères. Mais dont tu te souviens même pas. Chez nous c'est le petit 13 fiches qui te lance des canettes. Regarde un peu, mais à quel point t'es de la branlette. Tu crois c'est la fête quand tout seul tu nous sers en tête. On va te brûler la tête à coups de grosses boulettes. Toi tu roules à 40 pour nous casser les ovaires. Quand on dépasse, t'accélères et tu mets la sirène. Un blason, les couleurs, pas de valeur, tout l'attirail qui fait horreur. Chez toi, connard, ça fait fureur, bah tais-toi alors. Petit moustachu dans la gova, zéro couillé, cinq trous du cul. Tu t'es pointé, t'as fait demi-tour quand t'as vu qu'aux alentours il y avait tout autour comme une odeur de poudre. Mais tu peux pas t'occuper de tes affaires. Est-ce que je te demande de moi ce cas, branler ta mère pour avoir des gueules de con pareil, plus hermétique à sac poubelle. Nous on est rebelles et on t'éclate sans problème. Tes blêmes, t'as pas lu, délit, t'as passé à tout.